Chapitre 4. L'été et l'automne sont passés. L'hiver est venu. Les habitants de Marston célèbrent la fête de Noël. À cette occasion, les plaisirs permis chez les dissidents sont la bonne chère et la lecture de la Bible, ainsi que la médisance envers le prochain, distraction qui remplaçait avantageusement le whist ou la danse. On parlait surtout d'un événement important, du mariage de Mademoiselle Banner avec le pasteur Deuxil. Dans les cœurs les plus purs de la secte des indépendants, à l'occasion de cette union, se glissait un peu de jalousie. On trouvait le ministre heureux, trop heureux peut-être, car Cecil Banner avait refusé pour lui bien des propositions avantageuses, celle d'Arthur Horrett, entre autres, son ami d'enfance. Mais la jeune fille était fascinée par les grands yeux gris du pasteur, par son air mélancolique et par cette espèce de mystère qui paraissait exister dans le passé de Deuxil. De ce passé, Cecily ne s'inquiétait pas. La certitude de l'amour du pasteur lui suffisait. Elle avait lu Byron, et il ne lui déplaisait pas d'avoir un amant comme le Giaour ou le Corsaire. Arthur Horrett n'envisageait pas l'affaire avec l'esprit poétique de la jeune fille. Le succès de son rival augmentait encore ses préventions contre le ministre, et il ne put contenir sa colère lorsqu'on lui annonça les fiançailles de Cecily. Ce fut par sa sœur qu'il apprit cette fatale nouvelle. « Cecily est folle !» s'écria Arthur, « et elle se repentira un jour amèrement de sa détermination. Cet homme n'en veut qu'à sa fortune, c'est un hypocrite, rien de plus, sa religion n'est qu'un masque trompeur, mais je parlerai à ma pauvre amie et je lui dirai mon opinion sur son fiancé. » Effectivement, le même jour, Arthur se présenta chez Mademoiselle Banner, mais que pouvaient les conseils sur un cœur sérieusement épris ? « Je me confie à l'honneur de celui que j'ai choisi, » lui disait Cecily. « Il y a sans doute dans l'histoire de sa jeunesse quelque amour malheureux qu'il n'ose me confier. » Il a souffert, je le sens, mais je ne cherche pas à mettre le doigt sur une plaie saignante encore. Il me suffit d'être aimé, et se met une joie de penser que je serai, dans son avenir, la consolation de celui qui m'aime. Quant à supposer un instant que ma fortune guide sa conduite, comme vous me le donnez à entendre, ajouta Cecily, laissez-moi vous avouer que cette idée de votre part pourrait me faire penser que vous jugez M. Deuxil d'après vos propres sentiments. À cette phrase, le jeune homme rougit puis pâlit sous ce reproche si immérité. Il salua Mademoiselle Banner et sortira. Ce fut la dernière fois qu'il la vit. Peu de jours après, il partait pour s'établir à Londres afin d'y compléter son étude du droit, espérant que le mouvement de la grande ville lui ferait oublier son amour. Cependant, le ministre ne pressait pas sa fiancée de hâter le mariage, et ce ne fut que vers la fin de février que commencèrent les préparatifs de cette union. Madame l'agent, la gouvernante, s'en occupa spécialement, et avec d'autant plus de joie que rien ne devait être changé dans son existence. Il avait été convenu entre Cecily et son futur que cette aimable dame resterait toujours sous leur toit en qualité de dame de compagnie et pour diriger la maison, Mademoiselle Banner se reconnaissant incapable de conduire un ménage. Deuxil n'avait plus revu M. Mortimer, ni Morgan. Néanmoins, ses craintes au sujet du vagabond n'étaient pas entièrement calmées. Il rêvait de reconquérir sa liberté et il comptait sur la fortune de sa femme pour atteindre ce but. Que pouvait lui refuser Cecily? La lune de miel se passerait en France, en Normandie par exemple. Les médecins assureront que la santé du pasteur est altérée, que le climat de l'Angleterre lui est contraire et le voyage se prolongera, s'éternisera s'il le faut. C'était là le rêve que caressait le ministre, assis seul auprès de son foyer par une triste soirée de février. Le vent sifflait en s'engouffrant dans la cheminée de l'appartement, et les grands peupliers aux branches dépouillées se balançaient bruyamment sous les coups répétés de la bise. « Quel temps !» murmura Deuxil, tout frissonnant. « Je plains les pauvres malheureux qui sont dehors en ce moment. » Tout à coup, il entendit le bruit de la petite sonnette attachée à la porte du jardin. Deuxil se leva et vit par la fenêtre un homme qui stationnait devant la grille. « C'est lui !» dit le pasteur. « Il n'est pas de ceux qui se contentent d'un premier coup, se sentant assez fort pour frapper une seconde fois. » Le serment de la veuve se dirigeait vers la grille car la sonnette retentissait toujours. Elle regarda l'étranger avec une sorte d'effroi, et ce ne fut pas sans hésitation qu'elle se décida à lui ouvrir. Il était aisé de reconnaître Philip Mortimer en dépit de son changement de costume. Il était vêtu comme un dandy de bas étage portant un pardessus garni de velours. Un foulard aux couleurs éclatantes était négligemment noué autour de son cou. À la main, Il tenait une petite canne à tête d'argent qu'il balançait continuellement. Deux îles, debout au milieu de la chambre, attendaient son persécuteur. « Monsieur Morgan, » dit Mortimer, entra avec son insolence habituelle. « Bonjour, cher, » dit-il. « Savant, saint, philosophe, toujours enseveli dans ta luxueuse retraite, au milieu de tes livres, de tes écrits. Tu prépares un discours, j'en suis certain, un discours sur le mensonge, sur la duplicité humaine. Allons, mon vieux, repose-toi et donne-moi à boire. Ne te souviens-tu pas que je ne bois que de l'eau ? Au contraire, mon ami, mais moi je suis comme ce brahmine auquel on montra une goutte d'eau à travers un microscope, et qui se repentit d'avoir ingurgité autant de petits animaux. Je ne bois jamais d'un liquide si plein d'insectes. Sois un anachorète, si c'est ton envie, mais envoie ta servante au cabaret voisin me chercher une bouteille de cognac. » Dezille, sachant bien que le lendemain toute la ville connaîtrait cette aventure, envoya non pas au cabaret chercher du cognac, mais chez le plus grand marchand de la ville acheter une bouteille de xérès. « Tu as manqué de bonne foi à mon égard, » reprit Mortimer, dès que la servante fut partie. « En quoi ? N'était-il pas convenu que tu ne reviendrais jamais ici tant que je tiendrai mes promesses ? Cela est vrai, mon cher. Et j'eusse été le dernier des misérables si j'avais de mon côté manqué mon engagement. Mais n'y a-t-il pas une loi qui dénonce comme nul tout traité conclu sur un mensonge ? Que veux-tu dire ? Oh, simplement que tu m'as trompé indignement, que tu t'es joué de ma confiance. En quoi t'ai-je trompé ? Tu m'as trompé sur le compte de tes profits. J'ai cru à ta pauvreté, naïf que je suis. Tu ne m'as jamais parlé des cadeaux que te font ces fous d'indépendants, cadeaux solides comme celui dont j'ai lu l'autre jour la description dans un journal du pays. Écoute un peu. » M. Mortimer tira de sa poche une feuille maculée, une feuille puant le cabaret, et la dépliant, il lut rapidement. « On vient d'offrir, à l'occasion du jour de l'an, à M. Dezille, ministre des Indépendants à Marston, une théière en vermeil renfermant 100 livres sterling. C'est l'élite de la congrégation qui a voulu donner ainsi au pasteur un témoignage éclatant du cas que l'on fait de ses services. On dit encore que M. Dezille est sur le point de se marier. » En entendant ces dernières paroles, Dezille pâlit. Heureusement, son beau-frère, trop occupé de la théière, ne le regardait pas. « Quant à tes projets matrimoniaux, » continua Mortimer, « je suppose que ce n'est là qu'un cancan de province. Mais la théière, c'est différent, et je désire profiter de ta bonne fortune. En un mot, tu veux m'exploiter. Pas le moins du monde. Je te rappelle notre parenté, voilà tout. Je te rappelle aussi cette pauvre petite femme qui, grâce à mon amitié, ne te tourmente jamais. Si je lui disais où elle peut te rencontrer, elle serait ici demain, se précipiterait à tes pieds en poussant des lamentations inouïes, car cet enfant a le génie des pleurs. « Abrège, et dis-moi ce que tu veux, » demanda Dezille, ne doutant pas que derrière le persiflage du mauvais sujet, il n'y eût une intention très sérieuse. « Je ne suis pas avide d'argent, » reprit Mortimer, « mais l'homme n'est que l'esclave de la destinée. Il y a 2 mois, dans un moment de pressant besoin, j'ai signé un billet à ordre pour la somme de 60 livres sterling, et à ma signature j'ai joint celle d'un homme très respectable. La loi anglaise ne permet pas, à ce qu'il paraît, cette espèce d'opération, et si je ne peux pas retirer de la circulation le petit document en question, je risquerai fort d'être accusé d'un faux. Or, toi seul dois me sauver. Mais comment ? En me donnant les 60 livres indispensables pour rembourser le billet. 60 livres ? Parbleu, oui ! Et il te restera encore pour toi 40 livres. Tu me sauveras d'une nouvelle édition de ces maudits travaux forcés. D'ailleurs, tu penses bien que je n'irai pas m'ensevelir dans une prison sans dire à ma sœur où elle peut te trouver pendant que tout le monde aristocratique s'étonnera de mon absence. Tu me tiens sans cesse l'épée sur la gorge. N'as-tu pas peur de me fatiguer à la fin ? Demanda Dezille avec un sourire plein d'amertume. La servante à ce moment apporta la bouteille de xérès et Mortimer se mit à boire. Dezille, malgré l'offre du bandit, ne lui tint pas compagnie, et si Mortimer le regardait, il eût pu concevoir quelques inquiétudes. Mais Mortimer était d'un caractère gai, le verre en main surtout, et il ne vit pas sur la figure morne et sombre du pasteur la trace des pensées terribles qui traversaient l'esprit de Dezille. À l'aventurier, il fallait de l'argent, et il était venu en chercher chez l'homme qui pouvait lui en donner sans se soucier des colères qu'il allait soulever. Il buvait toujours, élevant de temps en temps son verre à la hauteur de l'œil, en connaisseur qu'il était. « Quel satané xérès, » disait-il, « fabriqué pour les petites villes de province, mélange de vin du Cap et de caramel. » Il ajouta d'une voix plus haute, « Il faut que je te rappelle, mon cher ami, que je suis pressé. Je dois prendre le prochain convoi. Je serai d'avis de terminer notre petite affaire. » Lezile ne l'entendait pas, absorbé dans sa rêverie. Mortimer répéta sa phrase. Le pasteur leva la tête brusquement. « Que veux-tu ? » s'écria-t-il. « Mais je veux toujours la même chose. Est-ce que ça te prend souvent de rêver ainsi tout éveillé ? On croirait que tu vis dans un monde imaginaire, peuplé d'horribles fantômes. » Sans répondre, Dezil se dirigea vers le petit meuble où il enfermait son argent. Il ouvrit un tiroir et y prit les banknotes contre lesquelles il avait changé ses belles guinées, présents de ses admirateurs. Il compta 6 billets de 10 livres chacun et les donna à son beau-frère en soupirant longuement. « Tu me pousses à bout, » dit-il, « et tu abuses de ton pouvoir. Si tu continues, tu me mettras sur la paille. Je conviens que je t'ai saigné aujourd'hui, » répliqua Mortimer en pliant négligemment les billets de banque qu'il mit dans son portefeuille crasseux. « Mais rassure-toi, je ne renouvellerai pas souvent cette opération. Je sais que je n'offre pas tous les jours des théières remplies de pièces d'or. » « Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, sors d'ici, infâme gredin !» Et malgré son insouciance, Mortimer se sentit troublé devant ce beau-frère qui, les yeux ardents, le teint pâle, les lèvres serrées, lui montrait la porte du doigt. « Voyons, ne te fâche pas !» murmura Philippe, prenant un ton insinuant. « Tu t'es noblement conduit à mon égard, et je ne te tourmenterai plus, à moins d'un cas désespéré. Puisque ma compagnie te déplaît, je m'esquive. » Et se glissant vers la porte, il l'ouvrit doucement et disparut. Demeuré seul, le ministre s'affaissa sur une chaise, la tête penchée sur sa poitrine, le regard vague, perdu dans l'espace. « Il n'y a qu'un moyen, un seul, » dit-il. « Je ne veux pas revenir sur mes pas. Je ne le veux pas. »